espace. Moi je me sens coincé dans mes 10 mètres carrés. J'ai besoin de respirer, besoin aussi de parler, pour ne pas être empêtré dans la société. Deux choses importantes, c'est de rester libre et de pouvoir rêver, et surtout ne pas perdre sa dignité. Derrière ces hauts murs, il y a cette face cachée, il y a cette face cachée. C'est comme ça, c'est comme ça.